Céleste au téléphone. J'aurais souhaité ambuler sous ce ciel si séquentiel. En effet, j'ai fait l'éphémère méfait où j'ai des faits. Et j'aimerais mouvoir les mégères du mouroir au boudoir d'un soir afin d'affiner ma recherche gravitationnelle, celle des selles existentielles. Car, excusez-moi, en ce mois, sans semences, les graines à élytres qui, hélas, sont chassées par les commères, mégères, mères poussières, cité si haut. Oui. Mon père aussi. Oui. L'amour, comme l'amour, qui n'est pas l'heure de la mère ou de la mère, l'amour est un mot troubadour. Oui, oui. Patrice est au courant, bien sûr, oui. Oui. Oui. Bien entendu, l'espace s'avère. Bien sûr, un rien pur, un rien obscur, empreint de perlure, baisement azur, un brin bifur, enfin, au fur et fin à mesure d'un bain césure, va-et-vient voilure, alien lunure, du sein dur. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Merci. Je vous en prie. Et vous prie encore de déguster cette délicieuse soirée. Adieu, ou plutôt au revoir.